Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce tout premier numéro de JT Foot de la saison. Alors oui, les conditions sanitaires sont particulières, oui, le TFC est descendu en Ligue 2, mais non, ne croyez pas que nous avons quitté le navire. Nous continuerons cette année à suivre les joueurs du nouveau coach Patrice Garande durant leur saison en deuxième division. Et qui sait, pourquoi ne pas vivre une belle montée? En tout cas, le TEF vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive en championnat. Ce samedi, les Violets ont sèchement battu Rodez 3-0. Nous reviendrons bien sûr sur la rencontre avec nos chroniqueurs en plateau. Nous délivrerons les traditionnelles récompenses aux joueurs du TFC et nous projetterons vers le match à Amiens de lundi prochain. Au sommaire, les résultats du week-end et les actus du TEF. La Coupe de France avec les équipes de Haute-Garonne encore en lice. Le top d'éclat pour faire le tour des sorties les plus marquantes de la planète foot. Enfin, qui sera le vainqueur du premier quiz de la saison? La réponse en fin d'émission. Allez, trêve de bavardage, EJT Foot, c'est parti. Avec moi en plateau, Axel et Thomas, ça va les gars? Ouais, ça va et toi? Yes. Ben, on commence de suite par les actus autour du club toulousain de cette semaine. C'est l'heure du TEF Actu préparé par Axel. Alors, un point d'actu raccourci aujourd'hui. En effet, pas de match pour la réserve ni pour les équipes de jeunes. Des cas de Covid-19 ont été détectés au centre de formation, il restera d'ailleurs fermé le temps que de nouveaux tests soient réalisés. Heureusement, les féminines ont pu jouer et se sont imposées avec la manière. 7-0 contre le Toulouse Métropole, elles remontent à la 4ème place et comptent 2 matchs en moins sur le leader. Et des informations ont été publiées sur le rachat du TFC. Tout à fait Victor, une enquête réalisée par le Parisien et publiée vendredi révèle les dessous du rachat du TFC par le fonds d'investissement américain Redbird. On y découvre d'abord le prix de vente du TFC, qui serait de 35 millions d'euros. On y mesure aussi l'influence de Billy Beane dans le recrutement. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Billy Beane, c'est le vice-président de l'équipe de baseball Athletic d'Oakland. Et c'est aussi celui qui a innové en basant son recrutement sur la data. Au TFC, il aurait activement participé au dossier en Belgique et aux Pays-Bas. On pense notamment à Deyegere et Van den Bommen ou Spierings. On peut enfin y lire que la direction aurait contacté Toulouse Métropole pour mettre en place une délégation de services publics au stadium. En gros, l'idée des nouveaux propriétaires est de pouvoir utiliser les lieux librement. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite vivement à lire l'enquête, qui montre que malgré les victoires, tout n'est pas rose pour les Violets. Côté sportif, en tout cas, c'est l'éclaircie. Hein. Il est d'ailleurs l'heure de se projeter vers le match des Violets, ce samedi, face à Rodez. Samedi à 19h, les joueurs de Patrice Garande se sont imposés pour la deuxième fois consécutive en Ligue 2 face à Rodez dans un derby occitan que les Violets ont plutôt maîtrisé. Les coéquipiers du capitaine Ruben Gabrielsen n'ont pas perdu en championnat depuis 6 matchs. Un bilan qui fait du bien aux joueurs et au staff, mais qui met surtout du baume au cœur des supporters. D'ailleurs Thomas, tu es allé les rencontrer à la fin de la rencontre samedi ? Et non, malheureusement, merci le Covid. À défaut de pouvoir venir vous demander directement au pied du stadium comment vous avez trouvé les Violets face à Rodez, on a été contraint de recueillir vos réactions d'après-match à distance. On commence avec Laurie, fervente supportrice du TEF, qui était au stade samedi. Peut-être que ce match-là, si on avait joué en début de championnat, on l'aurait perdu. Donc là, c'est pas le cas. On a vu un nouveau visage de l'équipe, ça monte petit à petit en puissance. Les compartiments du jeu, on était quand même supérieurs. On a vu des combinaisons qu'on n'avait plus l'habitude de voir. On a vraiment pu revoir un semblant de football au stadium et ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc j'espère qu'on va rester sur cette dynamique-là. Les hommes de Patrice Garande commencent à jouer en équipe. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant pour JB James, le fondateur du site lesviolets.com. Heureusement que Toulouse enchaîne quand même des victoires en Ligue 2. Heureusement que Toulouse bat Rodez. Il n'y a pas d'exploit dans ça. Pas d'exploit, c'est sûr. Mais qu'a-t-il pensé du fond de jeu des Toulousains? J'ai pas aimé notre fin de première mi-temps où on faisait plus rien du tout. J'ai pas aimé la fin de match où on a laissé Rodez jouer. Je sais pas, Patrice Garande dit que c'était un manque de sérénité. Je sais pas si c'est un manque de sérénité ou on est peut-être replongé dans certains démons. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas vu un TFC complètement à 100% souverain. Donc en fait, c'est bien, il faut le dire. On revient de très loin, mais le TFC a changé, le TFC est ambitieux, et j'ai envie de dire, on a retrouvé une certaine normalité. Alors, suite à une saison catastrophique l'année dernière, on s'en souvient tous, c'est sûr qu'enchaîner 6 matchs sans défaite, c'est d'avoir la vie en rose, comme nous l'explique Marie. Pour moi, c'est beaucoup mieux qu'au début de saison, quoi. Il y a un groupe qui est né, qui s'est créé. C'est vrai qu'au début, j'étais sceptique pour l'entraîneur. Mais je vois qu'au fil des matchs, il arrive à donner la motivation aux joueurs. Et puis, les résultats commencent à arriver. Et moi, personnellement, je suis très heureuse, quoi. Pour moi, c'est une satisfaction. Marie n'a pas eu la chance de pouvoir apprécier ce succès depuis les tribunes. Le TFC a instauré un roulement pour partager les 1000 places aux abonnés. Laurie nous raconte le côté frustrant du couvre-feu qui lui a gâché la fin de rencontre. J'étais un petit peu pas déçue, mais je suis restée un petit peu sur ma faim parce que moi, je suis jamais partie en fait, du stadium en cours de match. Même les fois où on perdait, où on se prenait des tolls, des 0-3 ou des 0-5, je suis toujours restée jusqu'à la fin. Donc là, le fait de partir à la 70e minute, alors quand même, si tu veux, 2-0, ouais, ben, je me suis retournée plusieurs fois avant de partir et de prendre la porte pour vraiment me retourner, ne plus voir le terrain. Vivement que tout cela cesse pour qu'on puisse retourner tous au stade et pourquoi pas vivre ensemble une nouvelle victoire du TFC. Merci Thomas. Allez, on revient sur ce derby occitan remporté par le TEF 3-0. Une rencontre maîtrisée. Le milieu de terrain belge arrivé à l'intersaison Brecht de Jäger a ouvert le score suite à un bon centre de Steven Moreira dès la 12e minute. En seconde période, Kelvin Amiens, sur un superbe coup franc, a doublé la mise avant qu'en toute fin de rencontre, alors que Rodez était bien plus entreprenant et aurait pu réduire la marque, Stijn Spierings ne conclut cette belle victoire du TEF sur pénalty. Nico, Simon, d'abord j'aimerais qu'on revienne sur ce derby en lui-même. On peut peut-être parler d'abord du secteur défensif qui est une des satisfactions de ce samedi. Oui, totalement. On a vu que l'année dernière, c'était quand même le secteur où on avait le plus de mal du côté de Toulouse. Et cette année, enfin, on ne prend pas 5 buts tous les matchs et des valises à chaque fois qu'on va à l'extérieur. Donc, c'est appréciable. Oui, exactement. On a l'impression que Patrice Garande, il a trouvé la bonne formule en défense, avec notamment 5 défenseurs et 2 ailiers très hauts. Il a gardé cette composition depuis le début de la saison. Je crois que sur les 6 derniers matchs, Toulouse, ouais, c'est 2 buts encaissés et aucun but encaissé sur les 3 derniers matchs. Franchement, c'est solide défensivement. Ouais. Et dans les bonnes nouvelles également, il y a le rendement plus que satisfaisant des recrues. Je pense à De Jägere, à Maxime Dupé dans les buts, mais aussi à Spierings par exemple. Est-ce que toi, Simon, tu penses que le TEF s'est renforcé cet été? Qu'est-ce que tu penses des nouveaux? Non, c'est sûr, il s'est renforcé, ça c'est indéniable. Il y a eu un gros travail qui a été fait cet été par la direction. Après, le bilan, il est quand même assez compliqué à faire parce que c'est assez tôt. Mais par exemple, voilà, Machado, on en parlait en défense, c'est quand même un joueur qui a apporté une certaine stabilité, même si c'est vrai qu'il est un pas... Un peu d'expérience aussi. C'est ouais. Ça, c'est ouais. Un joueur, ça reste un joueur moyen, mais c'est un joueur qui apporte de la stabilité. Et puis au milieu, il y a quand même trois bonnes recrues, De Jägere, Van den Bomen et Spierings, qui apportent quelque chose, quoi. Enfin, dans un milieu du TFC qui était quand même très... Ouais, et puis ils sont complémentaires, les trois, on les voit au milieu du terrain. Avec Manu Koné, ça tourne bien, donc il y a un bon milieu de terrain au niveau des recrues. Et le TEF, depuis les 2 défaites lors des 2 premières journées de championnat, n'a plus perdu. Et il pointe à la 9e place à seulement 2 points du Dauphin. Après 8 journées, on peut déjà tirer un premier bilan provisoire de ce début de saison. Nico, est-ce que tu penses que le TEF a les armes pour aller chercher une montée en Ligue 1? Bien sûr qu'ils ont les armes. Après, il s'agira d'être constant toute la saison. Défensivement, déjà, on part sur une bonne assise. Ils ont inversé la spirale négative qu'il y avait eu depuis l'année dernière et qui durait avec les 2 premières défaites au début de saison. Là, ça s'est inversé. C'est sur les 5 derniers matchs, je crois que c'est la meilleure équipe de Ligue 2 pour l'instant, avec 3 victoires. Ouais. Donc, pourquoi pas. Ils sont qu'à 1 point du premier barragiste pour l'instant. Donc, ils sont dans la course. Au niveau des points, ils sont dans la course. Ils sont à 7 points du premier. Donc, c'est un écart qui peut totalement être envisageable. Ça peut remonter, mais il va falloir de la constance. Et ça, on sait que l'année dernière, c'était quand même un gros, gros point noir. Allez, désormais l'heure de parler des tops et des flops parmi les joueurs du TEF. C'est l'heure des traditionnelles récompenses. Vous allez peut-être être surpris par ma saucisse. Bon, pour vous les gars, quels sont selon vous les tops et les flops? Bon, en flop, on va commencer par ça. J'irai Manu Koné, parce qu'on attend plus de lui au milieu de terrain. On attend que ce soit le vrai leader technique de cette équipe. On sait qu'il en est capable, il a réalisé des matchs bien meilleurs que celui-là, Patrice Garande l'a fait sortir plus tôt. Ouais. Donc ouais, Manu Koné, un petit peu décevant, même si bon, ça reste, c'est pas un mauvais match non plus, quoi. Ouais, de mon côté, pour ce qui est du top, je pense que moi, j'aurais dit Anthony Rouault, qui a bien remplacé Bafodé Diakité, qui commence cette saison assez difficilement. J'ai quelques stats sous les yeux, il a gagné 75% de ses duels. Ouais. Donc c'est quand même pour un défenseur hyper important. Et puis on a quand même 3 interceptions et 6 ballons récupérés sur l'ensemble du match. Donc ça prouve que ce mec-là apporte dans une défense qui déjà a de l'expérience avec Almian et Gabrielsen. T'aurais peut-être rajouté toi, Nico, Brecht de Jäger. Ouais, de Jäger, ouais. Moi, parce qu'au milieu de terrain, il a vraiment eu de l'impact. Bon, il a marqué son but en plus, donc j'avais envie de le récompenser pour ce bon match. Mais très bien, merci à vous deux. Le TEF a un rendez-vous important lundi prochain à 20h45 face à Amiens, autre relégué de Ligue 1 l'année dernière. Un match compliqué face à une équipe qui n'a pas forcément réussi son début de saison. Au stade de la Licorne, les joueurs de Patrice Garande devront poursuivre sur cette lancée car en cas de victoire, le TEF devrait s'approcher du podium de Ligue 2. Et ce week-end, c'est la Coupe de France pour ce sixième tour. Trois clubs de Haute-Garonne sont encore en compétition. Parmi eux, le Rangueil FC fait figure de petit poussé, Clément. Oui, le Rangueil Football Club poursuit son parcours en Coupe de France. Le petit club toulousain de Régional 3 a éliminé Saint-Juéry, pensionnaire de Régional 2 au cinquième tour. Un petit exploit déjà qui place Rangueil en petit poussé du département. Dimanche à 14h, c'est Castelnau-le-Crest en Régional 1 qu'il faudra battre pour que le rêve continue. Un match qui s'annonce difficile. Au même moment, en Ariège, Colomiers affrontera l'Uznac, actuellement sixième de leur poule en National 2. Les Hauts-Garonnais partent favoris. L'Uznac, toujours en reconstruction après sa montée avortée en Ligue 2 il y a 6 ans, réalise un très bon début de saison en Régional 1. Mais c'est bien l'US Castanet qui ouvre le bal samedi à 15h en recevant l'US Fabreg. Les deux équipes se connaissent, elles évoluent ensemble dans la poule H de National 3, dominée justement par Castanet après seulement 6 journées. Il n'y aurait pas un quatrième club de Haute-Garonne encore en lice ? Si, le TFC bien sûr, mais les équipes de Ligue 2 n'entrent en Coupe de France cette saison qu'au 8e tour. Donc il faudra attendre pour les voir et même si elle est infime, c'est sûrement l'unique chance pour le département de la Haute-Garonne de soulever le trophée. L'espoir fait vivre. Allez, on revient maintenant sur les déclarations choc de la planète foot avec Jean-Cyan. Brésil ou pas, on bat les couilles. Ronaldinho, machin, chouette, rien à foutre. Allez, on commence avec Jürgen Klopp, c'est ça ? Ouais, salut Victor. Alors effectivement, on commence avec le coach de Liverpool qui a félicité Marcus Rashford, pourtant joueur de Manchester United, un des grands rivaux des Reds. Alors pourquoi ces félicitations ? Eh bien pour son programme d'aide alimentaire aux enfants démunis. What Marcus started there is absolutely incredible. It's so nice and I hope his mother is really proud of him. I don't know him, but even I am. Voilà, donc en gros, il dit que ce que Marcus fait est vraiment super. J'espère que sa mère est fière de lui. Je ne le connais pas, mais même moi, je le suis. Alors à EJT Foot, on ne connaît pas non plus la mère de Rashford, mais on sait qu'il a effectivement de quoi la rendre fière. Pour la deuxième décla, on continue dans les coachs, mais cette fois-ci en Ligue 1, avec la sortie de Villas-Boas sur Valbuena. Lundi, à la veille du match de Ligue des Champions de son équipe contre Manchester City, le coach marseillais a réagi à la pique de l'ancien joueur phocéen qui avait critiqué l'état d'esprit de l'OM après la défaite face à l'Olympiakos la semaine dernière. Première, la réponse de Valbuena vient à côté de le résultat et de son assist aux dernières minutes. C'est un match que normalement finit au 0-0, mais peut finir aussi en 0 pour nous avec la chance de Dario et on a cette âme et cette solidarité. Alors ça, c'est rien à voir. Et d'un joueur expérimenté comme lui, j'attendais pas ça. Voilà, donc visiblement, cette critique est assez mal passée du côté de Villas-Boas, qui a donc semblé assez déçu de l'ancien joueur marseillais. Et enfin, pour finir, on a une décla du défenseur du Barça, Samuel Umtiti. Alors, lors d'une interview donnée au Canal Football Club, diffusée dimanche, il est revenu sur les blessures qui ont handicapé ses deux dernières saisons, et aussi sur ce qui lui a permis de retrouver la forme. Et attention, spoiler, la solution se trouve dans son assiette. Je suis devenu vegan, je mange pas de viande, pas de poisson. Je fais vraiment attention à tout ça, toutes les protéines végétales, c'est ce qui me fait du bien. Les pâtes, j'en mange plus. Mon corps, je le sens beaucoup mieux, je dors mieux. En ayant arrêté de manger de la viande, du poisson, du lait, je me sens mieux. Et oui, vous ne rêvez pas, on a bien un footballeur de haut niveau qui est devenu vegan. Alors, est-ce que ça vous surprend, vous, les gars ? Ah ouais, c'est assez inédit, non ? Ouais, je ne suis pas nutritionniste, mais c'est... j'ai pas d'exemple d'autres joueurs en tête. Je crois qu'aux États-Unis ça existe. D'accord, ok. Ouais, parce que personnellement, ça m'a surpris. Quoi. Moi, je suis plus surpris par Villas-Boas, en fait, qui vient faire la morale à Valbuena, alors que Payet a flambé comme je sais pas quoi, après la victoire au PSG, et depuis, il ne sait plus jouer au foot. Quoi. Il a été un peu dur, Valbuena, quand même. Mais bon. On va pas débattre. C'est le jeu. Allez, JT Foot touche à sa fin et il est désormais temps de conclure cette émission avec le traditionnel quiz. Et qui de mieux que le maître en la matière ? Allez, Julien, c'est à toi de jouer. Salut les gars, la forme ? Ça va. Toulouse gagne, on peut sortir jusqu'à 21h, la vie est belle. Aujourd'hui, vous n'êtes que deux dans le studio pour vous affronter, car nous respectons les règles et les gestes barrières. Ah, 3. Ah, pardon, Thomas vient de rentrer. Excusez-moi, tu vas jouer avec qui du coup ? Parce que c'est un duel en fait. Ouais, que j'ai prévu. Ça va être un duel. Clément et Thomas contre Victor. C'est parti. Allez. On va faire un duel à la question pour un champion. Donc c'est le jeu. Ah, je suis. Voilà, faut trouver des joueurs du TFC. Oula. On remonte au milieu des années 2000. L'époque Achille Mana, Faudemont Sarré. Vous connaissez la belle époque quand tous étaient en Ligue 1. On espère que ce sera un jour le cas pour le TFC à nouveau. Donc il y en aura 3. Le premier, c'est parti. Attendez, je me suis perdu dans les notes. Ah là, c'est l'erreur. C'est rien. C'est l'erreur. On coupera un montage, vous en faites pas. Donc aujourd'hui, c'est parti. Âgé de 39 ans, comme un de mes compatriotes qui brille en Italie, mesurant 1m88, je jouais au poste d'attaquant. J'ai pris ma retraite en 2018 dans mon pays natal. J'ai joué au TFC de 2006 à 2008. Prenant part à 73 rencontres et marquant 22 buts, j'ai permis au TFC de terminer 3e en 2007. C'est Elmander ? Je sais pas. Qui a dit ? Moi j'ai entendu plus... Je l'ai dit moins fort, mais avant. Ouais. Bon, on va accorder à Clément et Thomas. Ok, ça commence bien. Allez, 1-0, le deuxième. Allez, deuxième question. Je joue aussi au même poste qu'Elmander. J'ai pris ma retraite en 2019. J'étais entraîneur-joueur au Thonon Evian FC. Je vais dire Evian Thonon Gaillard. Excusez-moi. Ouais. J'ai joué 73 matchs à Toulouse entre 2005 et 2009. Et j'ai inscrit pas moins de 10 buts. Ah ouais. Incroyable. Ah ouais. Après avoir été formé à l'Olympique Lyonnais. J'ai aussi joué à Lecce, Châteauroux, Nicosie et surtout à Tours. C'est là que j'ai joué le plus de matchs, 191. Et j'ai marqué 34 buts entre 2012 et 2018. Vous n'avez pas. Oula. Un très très très grand joueur, pas du tout. J'ai eu des sélections en espoir, mais c'est tout. C'est un français ? C'est un français. J'ai mon prénom et mon nom, c'est notre famille, ça commence par la même lettre. Attention, je l'ai pas. Les initiales du bonheur, vous l'avez pas ? Non, désolé. Vous n'aimez pas le foot ou quoi ? Oh là là là là là là. Juste le prénom. Brian. Ah, Bergugnou, bien sûr. Entendu plus tard. Brian Bergugnou, le grand Brian Bergugnou. Quelle idée, on a oublié. 10 buts avec Toulouse, c'est quand même notable. C'est énorme. C'est énorme. Et le dernier, pour la gagne, attention. Ouais. Donc, j'ai également pris ma retraite et à Galatasaray en 2018. Je compte une sélection avec mon pays natal en 2011 face à la Pologne. J'ai passé une année à Toulouse la saison 2008-2009. J'ai joué 43 matchs au total car j'avais perdu ma place de titulaire à l'Olympique de Marseille. Je pars ensuite, mais je reste au bord de la Garonne, aux Girondins de Bordeaux, où je joue 341 matchs en 8 saisons. Je mets 0 but. C'est normal, je suis gardien. Ah, mais Carasso ! Et oui, Carasso ! C'était Carasso, évidemment. Carasso, oui, bien sûr, évidemment. Bravo Victor, évidemment. Qui remporte le premier quiz. Merci. Allez, JT Foot, c'est fini. Merci à Julien pour ce quiz une nouvelle fois très instructif. Merci à tous nos chroniqueurs qui vous auront encore fait vivre, je l'espère, une demi-heure passionnante. Merci également à Julien Prouvoyeur en régie qui nous a permis d'animer cette nouvelle émission que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes de podcast comme Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. On vous embrasse et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao !